sur un monde parfait. Placé là dans l'univers, pour l'instant, la seule à ce qu'il paraît. Un miracle en somme, on nous a donné un esprit créatif. Nous avons réussi à maîtriser les matières. Un peu plus, puis va pleurer dans le bureau. Sans penser aux résultats, on a changé l'inchangeable. La régulation. Si l'eau ne peut plus couler jusqu'à zéro, alors elle va se gonfler en inondant les terres, noyant ce qui s'y trouve jusqu'au moment où elle déborde sans but. Son but est de descendre, inexorablement de descendre. Nous avons tout pour créer l'osmose, du moins la conserver. Ou bien peut-être sommes-nous là pour détruire la création, détruire la création. Forcément, il n'y avait pas d'autre explication. Du fait, il nous a fallu bien trop de temps pour détruire. Tous ces siècles ont changé désormais. Mettons les bouchées doubles, éliminons par le vide. Non, peut-être, oui, plutôt par la masse. Nous éliminons par la masse. Exploser pour imploser. Courons pour rattraper. Il faut que l'on se détruise pour qu'il y ait une autre chance sur ce monde. Et au plus vite, c'est la seule issue, la possibilité, la seule chance bonne, à faire, de se détruire pour que le meilleur prenne place. Ce qu'il aurait dû y avoir, sans doute tous, que la terre reprenne ses droits. Sans essayer dans la mer, dans les sans ces vaisseaux qui flottent, sans tout ce béton et ces objets roulants, sans rien qui ne vienne du pétrole, sans tout ce qui décolle, qui vole, sans toutes ces orbites, sans nous, sans tout. Thank you.